بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا عبد الرحمن، ما هو المرسل؟ إيصال، طوابع. ما هو المفرد؟ شباك. Petit passage. Non, petite fenêtre. Mujawir. C'est un côté, un voisin. Janib. Côté. Irsal. Un envoi. A'la. Plus haut. Aïsar. Gauche. يمين. La droite. لدى يديه ولدينا وديه لديك أيضا. Aussi. ما الفرق بين لديه رسالة وعنده رسالة؟ عنده جلي خاصة بصورة لدي جلي رسالة. كنا اليوم الرابعة، هكذا؟ رابعة. طيب، الجملة الأولى عندك. تقرأ الجملة مباشرة. كم في ماذا رسالة؟ كم إيش؟ كم في ماذا؟ في ماذا؟ قيمته. ما كان؟ après c'est pas C'est pas obligatoire. Là, tout est là. Les harakat à soi. Il n'y a pas à les changer. Kem ki matou. Kem ki matou. Naam. Risalatou musajjala. Risalatou musajjala. Naam. Taïb. Thanyan. Thanyan. Tawabia. Fichoubaki mujawi. Naam. ثالثا لدي رسالة مسجلة. نعم. رابع إسلام خمسة ريالات. نعم. خامس أريد أن أرسل رسالة. أن أرسل. لا أرسل. أرسل. نعم. أريد أن أرسل رسالة إلى تركيا. نعم. تركيا. ثالثا هل كتبت اسم المرسل أيضا؟ نعم. سابع باع الطابعة الطبيعة الأعلى على الجنب. أين؟ أكبر. ضع الطبيعة الطبيعة على أعلى على الجنب. تكتب تنقمي على أو أعلى؟ أعلى. لا. ما أنت أعلى وخبير. ما أنا أعلى. إيش كتبت أنت؟ ضع طابعة على جانب الأعلى. نعم. Mais le temps sur le côté le plus haut. Moi j'ai Andek. كتبت العمال جناب جانب على الأيسر. لا تفعل ما يغرقه سوي بطرح من كتبت العنوان عنوانا على الجانب اليسار. نعم. J'ai écrit l'adresse sur le côté gauche. La sinam il nas. Elle ذهب سليم إلى المكتب الهاتفي أو المكتب البريد. عندك. لمكتب البريد. نعم. ثانيا. لماذا ذهب سالم لمكتب البريد؟ لأنه يريد أن يرسل رسالة مسجلة. نعم. ثالثا. هل رسالة سليم بالبريد العادي أو بالبريد المسجل؟ بالبريد المسجل. نعم. رابعا كم ريالا دفع سليم قيمة للتسجيل؟ دفع ريالا. نعم صح ما ذكر كم. بكم اشترى سليم التوابع؟ اشتراها توابع اشتراها لا أفيو يلا هي عقيل صار فيها مفرد مونا اشتراها اشتراها خمسة بي بخمسة ريال نعم صد طيب الآن ندخل في الدرس الثالث عشر خلينا نصوم ما زلنا في الوحدة الرابعة بركة خيرتي بعنوان في مكتب البرقيات dans le bureau des télégrammes كلمات جديدة بيانات في الجمع بيانة et là ce qu'il veut dire par là c'est Il demande des informations. C'est quand tu remplis un formulaire, on pose des questions, ton nom, ton adresse, ainsi de suite. Et c'est ça qu'il veut dire par là. Donc des fois, BIENA, ça va être des preuves, ça peut être d'autres choses. Mais là, dans le texte, ça veut dire quoi ? Des informations. Kamila, là, ça veut dire entièrement. Complètement, entièrement. La salaine Charles Yakoul, Hafistul Quran Kamilatan, j'ai demandé le Coran complètement, entièrement. Mektabul Turud, Mektab c'est Marlouf, et Turud c'est le diable de Torn, qui veut dire paquet, colis, ici là. Djem de Tord qui veut dire colis. Moustardjiloun, ça veut dire pressé. Et là dans le texte, ça veut dire urgent. Donc, un moustardjiloun, je suis pressé. Et en dessous, moustardjilatoun, c'est le féminin. At-Temmarbouta. Beida ou c'est le moines de Abiyad qui veut dire blanche. Mais lequel est féminin? Beida. Beida est féminin. Et Abiyad est masculin. Mektabul Barqiyat, c'est l'agence de Telegram. Tardoud ou la visite Oro. Et un colis. Je ne sais pas pourquoi ils mettent le désordre comme ça. Avec le pluriel là, le singulier vient longtemps après ou quoi. Yassar, c'est la gauche. Comme Aïssar. C'est une des façons de dire la gauche. Genre que Aïssar, il vient lorsque tu le mets après Djanib. Tu dis Djanib et Aïssar. Или Ясарсков с Дятином? Юсра. Юсра? C'est le féminin. De Aïssar ou de l'autre? De Yassar. Yassar? Non. Ou Aïssar, attends, je ne sais plus. Pourquoi ça peut être Aïssar, c'est une avec un, quand il est. Apparemment, quand il est Nart. Nart ou ouais. Un truc comme ça. Non. Là, plutôt quand il est Nart. Et Yusra, Yusra, l'acrobe, apparemment, ce qui serait plutôt féminin de Aïssar. Amam, ma'ruf, devant. Khalf, à l'axe, contraire de Amam. Fouk, au-dessus. Taht, l'axe, en dessous. Alain ma'ana Ibrahimu, wa al-muwazzaf al-awwal. Wa al-lazi yakra Ibrahimu, يعني الثاني يقرأ الموظف الأول والثاني تمام تفضل من يرى أنت إبراهيم أيكم سلكي بيت إبراهيم تفضل S'il vous plaît, louez la poste ou le bureau des télégrammes. Amaman, Amaman Maktab, Maktabi, Touloudi, Touloudi, Aral Yassar. Non, mais il dit devant le bureau des colis, à gauche, sur la gauche. Ibrahim. Minfadlika, Ourid, Minfadlik. Donc il dit s'il vous plaît, je voudrais envoyer un télégramme au Caire. Kahira, la base. Caire, c'est la traduction. On va faire Kahira. Il dit est-ce que c'est un télégramme normal ou urgent? Il dit un télégramme normal. Mouazaf al-awwal. Kamilatan. Ils ont mis une fatra sur le mime, mais c'est Kamilatan. Une erreur d'impression. Donc il dit prends la feuille blanche, Khouz, c'est le envoi de Akhadaya Khouzo, elle aura encore la feuille, Baïda blanche. Et remplit les informations complètement. En fait, toutes les informations. Formulaire. Donc il dit, tiens, on a dit, ça dépend ce que tu veux dire. Là, je pense que tu veux dire, tiens, on rentre dans la feuille, combien dois-je te payer ? Dirial. Ibrahim. Shukran, dis merci avec la paix. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Moi, Thani. Afwan. Non. Afwan, je sais pas pourquoi. Alors, je lui dirai, hey, passe salam. Taïeb. Yakula Walen, Istamir, Waraddid. Donc, écoute et répète. Là, il va vous faire quoi ? Vous faire utiliser les noms de direction. Maktaboul Barakiya, Amam, Maktaboul Turoud. Donc, le bureau de télégramme est devant le bureau des colis. Et Amam, il est Moudof. Donc, Maktabi, il vient de Moudof, il est I. C'est pour ça qu'il prend le Kasra. Il est aussi Moudof, une fois de plus, Maktab, et Turoud, Moudof, il est I. Tu peux avoir plein de Moudof de filet, c'est pas un empêchement. ثانيا مكتب الترودي خلف مكتب البريد le bureau des colis et derrière le la poste. Mais en fait, je crois qu'eux, ils veulent dire quoi ? Parce que le tout, c'est la poste à la base. Genre le bureau des colis, derrière le bureau des lettres. Genre du courrier. Car le tout, le colis, c'est la poste aussi que tu les trouves. Thalithan, al-mal'abu yasar al-maktaba. Le terrain de jeu est à gauche de la bibliothèque ou librairie. Rabi'an, al-maktabatu yamina al-mal'ab. Donc la librairie, enfin, la bibliothèque, est à droite du terrain de jeu. Khamisan, al-kitabu fawqa al-raf. Le livre est au-dessus de l'étagère. Raf, raf, étagère. Al-jamsi rufuf. As-suhifatu tahta al-kitabi. Le magazine est sous le livre. Sabi'an, al-kitabu fawqa as-suhifa. Le livre est au-dessus du magazine ou du journal. طيب ثانيا يقول يعمل وتحدث يعني يجي يدسكت شو بفيه اليوم تحدث يكون رئيس نعم تحدث واسي الماضي تحدث نعم Donc il dit quoi ? Dors le qalam fawq al-durj. Pose le stylo au-dessus du casier. En dessous dit quoi ? Al-qalam fawq al-durj. Le stylo est au-dessus du casier. Donc enlevez le verbe dors qui est un impératif de wada et vous mettez le premier mot comme mutada avec une dhamma, c'est tout. La salle. طيب الجمل الاولى عندك جيت تون ليف لو فيرب امبيراتيف كما دون ليكزامبل انت من دوما او بروميير مو تفضل ابو احمد ضع الكتاب تحت تحت المقعد الكتاب تحت المقعد ما معنى هذا لو ليفر اي سو لو سييج نعم ضع الطرد فوق الرف فوق الرف كسر فوق الرف الطرد فوق الرف فوق يسق فتحة فوق الرف ما معنى هذا؟ Le colis est au-dessus de l'étagère. Non. Falifan? Va le coursi bien khalf al-bab. Le coursi bien khalf al-bab. La chaise est derrière la porte. Non. Va al-daftara amam al-mudar. أمام المدارس مدارس الدفتر أمام المدارس نعم الكيان devant le professeur نعم اجلس يسار عمر عمر كيف تقول الآن؟ Donc là, en fait, tu veux dire. Voilà. Non. On va bricoler, on va dire comme ça. Tu es à gauche de Omar. Ijlis Yamina Ahmed. Donc ce qui apparaît, c'est parmi les différences entre Yassar ou Aïsar. Aïsar, il vient quand il est en Nart, ou Yassar quand il est en Moudaf. Allah Alam. Apparemment, ça, c'est parmi les différences qu'il y a entre eux. Yamin Ayman. Yamin Ayman. ثالثا أجيب كما في النموذج يقول إملاء البيانات ثم أكتب تشانج إملاء با أكتب البيانات لا إذا ومت 3 verb à l'impératif يا إقرأ يا إفتاح ويخذ. Essayez de mettre un verbe qui correspond avec les mots qui sont exposés. Addarsa, qu'est-ce que tu as dit? Là, il faut que tu t'emploies avec les trois verbes qui sont. Non, tu peux dire les trois en fait là. Khouz irisala ou iftah irisala. Al-Barqiyya. Al-Sahifa. Iqra'u as-sahifa. Parce que c'est un verbe homme, il y a un sukun. Donc la tête qui est sakinée, donc on met une kasra. Sabi'an, al-waraka. Khudh al-waraka. Naam. Al-kitab. Iftahi. نعم أو كل الكتاب نعم النافذة خذ النعال جلس النافذة افتح النافذة نعم تقرأ النافذة ها اصلح الباب افتح الباب نعم افتح الباب خذ الباب كذلك يخرج كون يخرج يخرج يخرج يخرج طيب رابعا املاء الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمه المناسبه لما بين قوسين بين قوسين هنا لصد حرف جر طيب حروف جر هنا من هنا إلى هنا بي هنا لي هنا في هنا عن هنا على faut le passer dans les phrases dans les trous des phrases. الجملة الأولى ذهب محمود الترو السكاني ترو المدرسة donc là faut mettre les lettres qui correspondent. ثانيا وصل إسماعيل ترو الحافلة ثالثا سأل إبراهيم الموظف مكتبي البرقيات. رابعا وضع أحمد القلم الحقيبة. خامسا جلس علي في المكتبة يقرأ الصحف. سادسا كتب المدرس السبورة. هذا في البيت. إن شاء الله والجمل سهلة. Tous les mots-là, ils sont connus. On a trouvé juste Ikra. Ah, Kassir. Bachar. Certains de l'ouf sont, sont courts, d'autres sont plus longs. Je suis parti des cours. Comme la semaine de hier, pareil, il était court. Non. La kalimat de Jadida. Ashara Yushiru. Qui veut dire indiquer. Et le mazda c'est ishara, comme ism ishara. Ashara yushiru. Ataliya, ce serait suivante. Par exemple, je mets Ataliya, les phrases suivantes. La salam. C'est quoi le Hein? Tali. Yunahi ou c'est annoncé, mais une bonne nouvelle. Hanna'a. Ah, félicité, en fait. Yuhanni'u. C'est un ism. Non, c'est un fiat. Et c'est. Isla'a, il a le même. Asla'a. Non, comment dire annoncé, on a vu ça. Et là, c'est pas la même annonce. Là, c'est comme une sorte de félicitation ou. Chose comme ça. Attends. Il va dire quoi dans le. Regarde à la fin, lui, ce qu'il dit exactement. Mais c'est pas Bouchra ou Bachir. Ouais, c'est ça, ouais. Abshara ou Bachara. Mais quand on dit Ashara Yushiru, c'est comme Dalla en fait, c'est indiquer le chemin. Dalla. Ça peut avoir le sens comme ça, non? Ashara. Ouais, c'est ça en fait, c'est annoncer une bonne nouvelle, genre Yuhuyakul. Hana'tu at-talabata bil najah. Genre j'ai informé des étudiants et yani de la réussite de l'examen par exemple. Ouais. C'est annoncer une bonne nouvelle quoi en fait. Et au passé on dit Hana'u. Hanna'a. Hanna'a. Mais je vois. Hanna'a tout. Non. Yakul. Ibrahim la ya'alifu aina maktabul barqiyat. Ibrahim ne sait pas où se trouve le bureau du télégramme. Ah ouais, non, pas vu. Je vais terminer. Al-Najah, c'est la réussite. Al-Najah, c'est la réussite, succès. Akhbara, Yuhbiru, c'est informer. Ahbara yuhbiru, ça veut dire informer. Istalama estalimu, on l'a déjà pris, ça veut dire quoi? Recevoir, récupérer. Non, Fanoïd. Ibrahim la ya'alifu aina maktabu al-barqiyat. Donc Ibrahim ne sait pas où se trouve le bureau de télégramme. Sa'ala Ibrahim al-muwazzafa anhu. Donc Ibrahim a interrogé l'employé à ce sujet, à ce propos, c'est-à-dire à propos du bureau de télégramme. Fa'ashara al-muwazzafu bi'annahu khalfa maktab al-turud. Donc l'employé lui indiqua qu'il se trouvait derrière le bureau des colis. وصل إبراهيم مكتب البلقيات. إبراهيم arriva à l'agence au bureau de télégramme. وأخذ ورقة بيضاء ليكتب عليها برقية عادية. Et il prit une feuille blanche afin d'y écrire un télégramme normal. Donc après ils ont fait سلم إبراهيم الموظف البلقية التالية. Donc Ibrahim donna à l'employé le télégramme suivant. Et ensuite, ils ont fait un dessin que le contenu du télégramme. Et salama, c'est le contraire, on dirait. C'est donner. Donner et l'autre recevoir. Mmh. Et salama. Tamam. Et dans le, quand on dit Ahba et Khabara, ils ne disent pas Khabara. Khabara ? Là, je ne connais pas. Je dis. Hein ? Khabara, c'est informé ou... Informé. Tayyib, Awalad Yakoul, Adib al-Asilatin Atiya. Donc là, c'est une question sur un important texte. An Eishayin Sa'ala Ibrahimun Mouazaf. Tayyib ? À propos de quelle chose Ibrahim a-t-il interrogé l'employé? Non, Aïch. Fanien, Aïna Maktabul Barqiyat, où est le bureau de télégramme? Falifan, Mada Mala'a Ibrahimu, qu'est-ce qu'Ibrahim a rempli? Rabian, Liman Sallama Ibrahimu al-Barqiya, à qui Ibrahim a-t-il rendu le télégramme? Khamisan, ila aina arsala Ibrahim al-Barqiya. Vers où Ibrahim a-t-il envoyé le télégramme? Sadisan, limaza arsala Ibrahim al-Barqiya. Pourquoi Ibrahim a-t-il envoyé le télégramme? Wassanian, laissez-le, vous ne faites pas. Enfin, si vous voulez faire de vous-même, mais je vous entendrai pas dessus. Sanian. Quand tu vas lire, tu vas comprendre. Taïeb. Nakfouz et les Sahalis Mbachara. On va directement au 3 derrière. Sahalisan Yakoul. Imlaï le Farahat. Fil Jumal Atiya. Bihtiyel. Kalimati Munasibah. Mimayali. Donc, remplis les trous dans les phrases suivantes. En choisissant les mots qui correspondent comme ce qui suit. Al-Najah Kamilan wa Yushiru. Yushiru, c'est le mudari de Ashara. Et les phrases sont Awalan. Lam Lima Fon Taktubu Rokma Sunduk al-Baridi Uktub al-Anwan. Donc il dit pourquoi écris-tu le numéro de la boîte postale, on va dire. Écris l'adresse. Je pense que c'est l'âme taktoum. Là, c'est... Ouais, bah, il y a une erreur ou dans le lem ou dans le taktoum. Pourquoi là, c'est quoi? Parce qu'on voit le lem, ils ont repris, tu vois. Ouais, c'est l'âme. Donc en fait, c'est une erreur, c'est taktoum, c'est une... Faut c'est l'âme taktoum, soukoun, pas de dhamma. Donc tu n'as pas écrit le numéro de la boîte postale, écrit l'adresse complètement, entière, en fait, complète. Ouais. Bon, allez comme ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Thaniyan, Hanna'a Aliyun ibnahu bi. Donc Ali a annoncé à son fils, et là vous mettez le mot qui manque. Thalithan, al-muwazzafu ila shubbaki al-mujawar. L'employé en mettant le mot qui convient à la fenêtre, elle est à côté. Ah, kada. On a cité quoi, Alhamdoulilah. Fi asila. طيب فنقفنا.